Chapitre 17e. Simone Rincard. Madame Rincard se présenta un peu avant l'heure et Dutilleul choisit de ne pas la faire attendre. Il vint lui-même l'accueillir. C'était une petite femme toute en rondeur, qui devait avoir sensiblement le même âge que Marité Duménil, même si, de par son habillement, elle faisait plus vieille. Pourtant, pensa Dutilleul, elle aussi avait dû être bien jolie dans sa jeunesse. Elle conservait de jolis yeux, admirablement maquillée, mariée avec une bouche qui devait aimer rire. Elle dégageait encore une belle vitalité que nombre de jeunes de la connaissance de Dutilleul pouvaient lui envier. Elle avait aussi un abord plus direct, pas grande dame comme Marité Duménil. « Bonjour, Madame Rincard. Je vous suis très reconnaissant de vous être déplacée, surtout en cette période. Vous voulez rire. Vous m'avez plutôt rendu service. Je hais tout ce déballage. Toutes mes amies sont parties en province, alors votre appel ne pouvait pas mieux tomber. Je vous remercie de le prendre ainsi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Surtout que je ne vois pas très bien en quoi. Je crois que vous avez enseigné aux Tournelles. Les Tournelles? Voilà bien un nom du passé. Mais je n'y ai pas fait qu'un temps, j'y ai fait toute ma carrière. Que pouvez-vous m'en dire? Après toutes ces années? Pas grand-chose. Ce n'était pas ce que j'appelle un établissement bien, même s'il payait plus que convenablement, contrairement au public. Pourquoi y êtes-vous resté si longtemps? Je crois vous l'avoir déjà dit, nous étions très bien payés. Puis pour moi, la place était pratiquement garantie à vie, du moins si je ne faisais pas de vagues, ce que j'ai fait. Vous aimiez l'endroit? À l'époque, les bâtiments étaient bien entretenus et le parc était très agréable, surtout en été. Au beau jour, j'aurais presque pu croire que je m'y plaisais. Ce qui n'était pas le cas. Non, loin de là, vous comprenez? Il me manquait l'essentiel pour véritablement participer à la vie de l'établissement. Je n'étais pas un homme. Impossible alors d'intégrer le moindre club ou la moindre société. J'étais toléré dans les soirées, de par mon lignage, ce qui pour certains était déjà bien assez. On prenait bien garde à ce que je n'apprenne jamais d'informations importantes. Je pouvais boire, rire et danser à ma guise, avec n'importe lequel de ces messieurs, mais cela n'allait jamais plus loin. Pardonnez-moi, madame, mais j'ai quelque peine à vous suivre. Si je vous comprends bien, il y avait des clubs et des sociétés aux Tournelles. Bien sûr, il n'y avait même que cela, des coteries. C'est toujours le cas aujourd'hui. Naturellement pas aussi structuré que le trop célèbre Club 23 fondé par Lucien Domarge. En quelques mots, la dame pouvait se glorifier d'avoir capté toute l'attention de Dutilleul. Qu'était-ce donc que ce fameux Club 23? Eh bien, en fait, je n'en sais trop rien, tant ce que l'on racontait sur lui tenait autant de la légende que de la réalité. Pour ce que j'ai réussi à en apprendre, il s'agissait d'un club très fermé, qui commettait des actes considérés comme délictueux pour l'époque, comme introduire des cigarettes dans l'établissement ou des cartes postales osées, ou encore s'arranger pour voler un baiser à une demoiselle, casser les vitres de la grande serre sans se faire prendre, voler toutes les craies de l'établissement, des choses dans ce genre. Toutes ces actions devaient relever un défi. Le club se devait de continuer d'année en année. Pourtant, durant toutes les années où j'ai enseigné, il n'a pas dû être très actif, même si c'est vrai. Nous avons eu à déplorer quelques vols, mais rien de bien méchant. Je crois que le Club 23 relevait plus de l'amusement qu'autre chose. D'ailleurs, personne n'a jamais été puni. Il me semble que les punitions ne sont pas franchement l'apanage des Tournelles. Simone Rincard eut alors un sourire amusé. Certes, non. Avec les sommes versées, il était difficile de se montrer pointilleux aux Tournelles. En fait, il était pratiquement impossible de s'en faire exclure. C'était bien cela le problème. Les résultats ne jouaient ainsi dire pas aux Tournelles. La seule question était d'occuper la place. Savez-vous qui pourrait m'en dire plus sur le Club 23? Mon frère le pourrait, naturellement, bien qu'il n'en ait jamais fait partie. Pourtant, il aurait tout donné pour en être. Vous comprenez? Intégrer le club était une récompense à elle seule. C'était plus prestigieux que le bachot. Croyez-moi ou non, mais c'était ainsi. Bien sûr, il y avait d'autres clubs, mais celui-là possédait tout le mystère que les autres n'avaient pas. Savez-vous si je pourrais rencontrer rapidement votre frère? Vous le pouvez toujours, mais je vous préviens. Il n'a plus rien du charmant garçon qu'il était alors. Il s'est beaucoup aigri, mariage raté. Il a épousé une peste et l'endure en silence. Alors il se venge sur ce qu'il peut, moi en l'occurrence. En cette saison, heureusement, il est dans la belle famille, qui n'est pas pire que sa très chère moitié. Est-il plus âgé ou plus jeune que vous? Guillaume? Il est plus jeune, bien plus jeune. A-t-il enseigné comme vous ? Oh non ! Lui, étant un homme, était promis à un destin plus glorieux. Il a fait les mines, dont il n'est pas sorti avec un classement très brillant. À la grande fureur de papa qui a déclaré qu'il n'avait rien fichu, ce qui était vrai. Il est néanmoins parvenu à végéter dans un ministère quelconque. C'est un assez bon gratte-papier. Vous ne semblez pas l'apprécier beaucoup. Détrompez-vous. J'aime énormément mon frère, mais rien ne m'empêche de voir ses défauts. Il n'était pas fait pour ce genre de vie. Même si, et là mon père avait raison, l'animal était doué. Il a appris à lire tout seul. Personne n'a jamais compris comment. Il a sauté de classe en primaire et mon père fondait de réels espoirs sur lui. Il apprenait si vite. Peut-être trop, finalement. Il s'est fatigué avant l'âge. Du coup, il a repiqué son bac, ce qui au tournel était une forme d'exploit. Ça ne l'a pas rendu heureux pour autant. Il était mal au tournel. J'étais bien placé pour le voir. Un poisson en dehors de son bocal. Puis les gens étaient d'un snob avec tout leur fric. Nous ne pouvions pas rivaliser. Certains enfants avaient des chauffeurs, rien que pour eux. Je pense que, d'une certaine façon, Guillaume s'est senti exclu. Il ne s'est pas fait de vrais amis. De plus, je crois qu'il avait honte que je sois témoin de sa faiblesse, de sa détresse, devrais-je plutôt dire. La dernière année a été terrible, même s'il a travaillé un peu plus. Il a eu son bac sans plus et papa l'a pistonné pour entrer en prépa. C'est là qu'il s'est vraiment révélé. Quand il a annoncé qu'il avait réussi le concours d'entrée aux mines, j'ai bien cru que papa allait avoir une attaque, de joie, cela va sans dire. Puis mon frère, après une courte période d'euphorie, est retombé dans son marasme habituel, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Sibi du parc, pour son plus grand malheur. Comment se fait-il que votre frère n'ait pas été admis dans un seul club ? Là, vous me posez une colle. Je n'en ai jamais eu la moindre idée. L'auriez-vous su autrement ? Naturellement. Mon frère n'a jamais été très bon pour dissimuler quoi que ce soit. On lit sur son visage comme un livre ouvert, même maintenant. Peut-être est-ce pour cela que c'est un faible qui n'a jamais accepté son placement au tournel. De toute façon, la structure ne lui convenait pas. Il n'y avait pas l'émulation nécessaire. Les professeurs de l'époque, tout comme aujourd'hui, étaient médiocres. Certains n'avaient même pas les diplômes requis. C'était le cas pour la majorité des professeurs de langue. Pour l'allemand, ça allait à peu près. En revanche, je me rappelle encore d'un professeur d'anglais qui parlait avec un affreux accent cockney et que personne n'était en mesure de comprendre. Comme elle-même ne parlait pas un mot de français. Je crois que tout ce qu'ont appris les élèves cette année-là se résume à « You naughty children ». Pour les sixièmes, la chose n'était pas encore trop grave, mais pour ceux qui passaient le bac. Je crois que bon nombre de parents eurent recours pendant les congés scolaires à des cours particuliers. Personne ne réagissait à la situation. Il devait bien y avoir une autorité de contrôle. Il y avait, et il y a toujours, un conseil d'administration qui se tient une fois par trimestre. Mais uniquement pour examiner les résultats financiers. Le côté pédagogique est laissé à la stricte discrétion du directeur d'établissement, qui est toujours un cousin, plus ou moins proche. En vérité, le conseil se moque complètement de ce qui est enseigné. Il vous déclarera toujours qu'il n'est absolument pas compétent dans ce domaine. C'est effectivement très pratique, mais les parents, c'est tout de même eux qui détiennent les cordons de la bourse. Je vois que vous n'avez toujours pas compris. Tout est affaire de snobisme. C'est l'endroit où il faut être si l'on veut se constituer un bon carnet d'adresses et un solide réseau de connaissances qui pourront toujours aider en cas de difficulté. On se fait un devoir de s'entraider entre anciens camarades. Surtout que ce n'est pas exactement le fond du panier qui est scolarisé là-bas. Il y a des listes d'attente pour intégrer l'établissement. Si en théorie, tous les élèves sont à égalité, un coup de fil bien placé peut faire des merveilles. Il s'agit juste d'ouvrir le carnet de chèques. Passez à la caisse et votre enfant gagnera quelques places. C'est exactement cela. Mais vous pensez bien que les parents concernés ne vont pas les s'en vanter. Si je comprends bien, ceux qui n'ont pas l'argent nécessaire peuvent passer leur chemin. Pratiquement. Même s'il se tient une fois par an, je crois me souvenir que c'est en mars. Une commission dite de rattrapage. Elle examine les résultats des candidats à l'intégration. Généralement, elle ne débouche sur rien. Je crois plutôt que c'est une occasion supplémentaire de se réunir. Il y siège, outre les professeurs, nombre d'anciens élèves, ceux, cela va sans dire, qui ont le mieux réussi, de par leur activité professionnelle ou sociale. À l'occasion, un grand repas est organisé et les gens palabrent pendant des heures, tout en se remplissant abondamment la panse. Avez-vous déjà assisté à l'une de ces commissions ? Oui, une fois. C'est pour cela que je peux vous en parler si précisément. Je n'y suis jamais retourné car la chose m'a profondément dégoûté. J'étais malade pour ces pauvres élèves dont on se moquait perdument. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que chaque candidat devait, pour se voir admis, rédiger une rédaction sur un sujet généralement bateau. Ces rédactions étaient non seulement lues devant la commission, mais largement commentées et très rarement en bien. On raillait aussi bien l'orthographe, l'écriture que les maladresses de style. Même si je dois bien reconnaître que le résultat était dans l'ensemble assez pitoyable, les candidats ne méritaient tout de même pas une telle humiliation. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à les défendre ? Tout simplement parce que même avec mes origines, mon poste était en jeu. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais eu bien peu de chance de trouver un poste à l'extérieur. Les Tournelles n'étaient pas franchement une bonne carte de visite. Mieux valait donc ravaler ma colère, même si cela me faisait mal. Pourquoi n'y être allé qu'une fois ? Oh, c'est bien simple. J'ai vu un invité vomir sur l'une des copies présentées et la chose a fait peut-être rire tout le monde, mais pas moi. Je me suis senti souillé, et j'ai surtout réalisé que telle n'était pas ma place. J'ai pris beaucoup de recul après cet incident. C'est sans doute à ce moment que vous avez rencontré Marité Duménil. Exactement le jour suivant. Je l'avais déjà remarqué, mais je la trouvais assez intimidante, avec sa beauté glacée, sa mise impeccable. J'ai tout de suite vu que c'était un bon professeur. Elle n'avait aucune difficulté pour tenir ses classes. Madame Rincard, croyez-vous qu'il vous serait possible de demander à votre frère de me contacter ? Après les congés, naturellement. Je peux essayer, mais autant vous dire qu'il n'est pas facile. Sans doute vous faudra-t-il le secouer un peu ? Je vous remercie. Je saurai m'en souvenir au moment opportun.